T'as des flammes dans les yeux et ton corps, je perds mon calme. Tu veux danser, on peut danser. Tu veux sortir, je peux t'ambiancer. Raconte-moi tous tes rêves, de toi je veux tout connaître. Parle-moi même de ton ex, on sait bien que je suis mieux. Fais-moi quitter la terre, montre-moi que t'es la meilleure. Mets ton doigt sur mes lèvres. Y'a que toi, ouais, dans mes pensées. T'es trop fraîche, hein.